C'est le portrait des aigles présents. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des aigles de Trois-Rivières. C'est la pièce Dans le Dallo de Navarre qu'on vient d'entendre juste avant Dutchess 16 avec Travailler sur leur maxi Split LP. C'est Mathieu Plante en direct des studios de Trois-Rivières. Je suis pas supposé être là en ce moment, mais on a des petits problèmes avec la machine qui diffuse au stade Fernand Bédard. Évidemment, Simon Liberté qui est en train de décrire le match des Aigles tantôt. On espère pouvoir y retourner, mais on n'est pas encore tout à fait convaincu. On va vous tenir au courant pendant les prochaines minutes. Pour une fois que c'est pas de la pluie qui nous empêche de diffuser. Hein. Alors, on va continuer en musique tout de suite avec une autre pièce. Cette fois-ci du côté anglophone de nos palmarès. Voici The Vaccines et Handsome. Au 89 FM, c'est fou. Of nothing, yeah, nothing. I'm breaking through. What are you gonna do? You told me forever, together. Just let the feeling come through. You're ready leaving again. Or do you just run out? You ready leaving again? Or do you just run out? Tell me what's your truth. You gotta stop this. Which way are you turning? Yeah, keep turning. I'm raising the roof. You feel backed into a corner. You told me forever. Together. Just let the feeling come through. You're really leaving again. You're leaving